Le livre des bêtes. Boulka et Milton, histoire de deux chiens, par Léon Tolstoï. J'avais un petit dogue qu'on appelait Boulka. Il était entièrement noir, sauf le bout des pattes de devant, qui était blanc. Les dogues ont la mâchoire inférieure plus longue que la supérieure, et les dents d'en haut s'emboîtent dans celles d'en bas. Mais chez Boulka, la mâchoire inférieure s'avançait tellement qu'on eût pu mettre le doigt entre les deux rangées. Son museau était large, ses yeux grands, noirs et brillants, ses incisives et ses canines blanches étaient sans cesse à découvert. Il ressemblait à un nègre, il n'était pas méchant et ne mordait point, mais il était singulièrement vigoureux. Quand une fois il s'accrochait à quelque chose, il serrait si fort les dents qu'il restait suspendu, comme un chiffon. On ne lui eût pas plus fait lâcher prise qu'à un perce-oreille. Un jour, on le poussa sur un ours. On lui coiffa l'oreille et demeura là, collé comme une sangsue. L'ours avait beau lui donner des coups de griffe, le serrer contre son poitrail, le secouer dans tous les sens, il ne pouvait s'en débarrasser. Il finit par se jeter à terre pour écraser Boulka, mais Boulka tint bon jusqu'à ce que l'on eût arrosé d'eau froide. Je l'avais pris tout petit et l'avais élevé moi-même. Lorsque je partis pour le Caucase, je ne voulus point l'emmener. Je quittai la maison sans bruit en donnant l'ordre de l'enfermer. Au premier relais, comme j'allais remonter en voiture, je vis tout à coup rouler sur le chemin quelque chose de noir et de brillant. C'était Boulka, avec son collier de cuivre. Il s'élança vers le relais, se jeta sur moi, puis, me léchant la main, il s'étendit à l'ombre, sous le traîneau. Sa langue me couvrait toute la paume. Tantôt il la rentrait, avalait la salive, tantôt il l'avançait pour me lécher encore. Il haletait, battait du flanc, il se tortillait de côté et d'autre et frappait le sol de sa queue. Je sus, depuis qu'il avait, moi parti, rompu sa chaîne, sauté par la fenêtre et, me suivant à la piste, galopé sur la route, faisant ainsi près de 20 verstes par une excessive chaleur. Un jour au Caucase, nous partîmes pour la chasse aux sangliers, et Boulka accourut pour m'accompagner. Dès que les chiens courants se mirent à quêter, Boulka, suivant leurs abois, disparut dans la forêt. C'était en novembre, quand les sangliers et les porcs sont énormes. Au Caucase, les bois où vivent les sangliers portent force fruits savoureux, raisins sauvages, pommes, poires, mûres sauvages, pommes de pin, glands, prunelles. Quand tous ces fruits sont mûrs et que les premières gelées les font tomber, les sangliers s'engavent et engraissent. En ce moment, le sanglier est si gros qu'il ne peut courir longtemps devant les chiens. Quand il est poursuivi depuis 2 heures, il se dérobe dans un fourré et s'y abrite. Alors les chasseurs l'y suivent et tirent. Les abois des chiens indiquent si la bête est arrêtée ou lancée. Lancée, les chiens aboient avec un cri comme quand on les bat. Arrêtés, ils aboient comme après un homme, en hurlant un peu. Ce jour-là, je courus longtemps sans réussir à croiser la voix d'un sanglier. Enfin j'ouïs les abois traînants et les cris des chiens courants, et je m'élançai de ce côté. Je me trouvais déjà assez près d'un sanglier. J'entendais déjà un grand fracas dans l'épaisseur du fourré. C'était la bête servie par les chiens. Mais on devinait aux aboiements qu'ils ne l'avaient pas encore assaillie, et qu'il tournait seulement autour d'elle. Tout à coup, un bruit frappa mon oreille derrière moi. Je me retournai et j'aperçus Boulka. Il fallait qu'il eût perdu les chiens dans la forêt et se fût fourvoyé. Mais à présent, il entendait leurs abois et accourait rapidement, comme moi, dans leur direction. Il galopait à travers la clairière, dans l'herbe haute. Je ne voyais de lui que sa tête noire et sa langue serrée entre ses dents blanches. Je l'appelai, mais il me dépassa sans regarder derrière lui et se jeta dans le fourré. Je l'y poursuivis, mais plus j'allais, plus le hallier s'épaississait. Les branches m'arrachaient mon bonnet, me cinglaient la figure, ma veste s'accrochait aux épines des ronces. Je me rapprochais des aboiements, mais je ne pouvais rien voir. Soudain, j'entendis les chiens aboyer plus fort. Quelque chose craqua, et le sanglier, ayant repris haleine, se mit à grogner. Je crus comprendre en même temps que Boulka l'avait rejoint et se démenait avec lui. Je rassemblai mes forces pour arriver plus vite, à travers le fourré, sur le théâtre de la lutte. Au plus profond du hallier, j'aperçus, aboyant et hurlant, un chien courant au poil tacheté, et à trois pas de lui, quelque chose de noir qui se tortillait. Lorsque je fus plus près, j'entrevis le sanglier, et Boulka se mit à crier, furieusement. La bête, avec un grognement, marcha sur le chien courant, qui recula, la queue entre les jambes. Je voyais tout un côté du sanglier et sa tête, je visais et tirais. J'avais frappé juste, grognant de plus belle et faisant craquer les branches, l'animal s'enfuit loin de moi dans l'épaisseur du fourré. Les chiens criaient, aboyaient, suivaient sa trace, moi je me jetais dans le fourré, derrière lui. Voici qu'à mes pieds j'aperçus et entendis quelque chose. C'était Boulka, allongé sur le flanc. Il poussait des cris. Sous lui, une flaque de sang. Je pensais, mon chien est perdu. Mais j'avais un autre souci et je poussais plus loin. Bientôt le sanglier m'apparut. Les chiens l'assaillaient par derrière, lui leur faisait tête d'un côté puis de l'autre. À ma vue, il fondit sur moi. Je tirai mon second coup presque à bout portant, si bien que les soies de l'animal prirent feu sur lui. Il grogna, chancela et de tout son poids frappa lourdement le sol. Quand je m'approchai de lui, le sanglier était déjà mort. À peine par-ci, par-là, un gonflement, un dernier frisson. Les chiens, hérissés et furieux, lui déchiraient le ventre et les cuisses, où lapait le sang de sa plaie. Je me souvins alors de Boulka et retournai le chercher. Il se traîna à ma rencontre, en gémissant. J'accourus près de lui et me baissant, j'examinai sa plaie. Il avait le ventre décousu. Ses boyaux pendaient sur les feuilles sèches. Lorsque mes compagnons m'eurent rejoint, nous lui remîmes l'intestin en place et cousîmes sa plaie. Pendant que nous lui cousions le ventre, perçant sa peau avec l'aiguille, il ne cessait de me lécher les mains. On lia le sanglier à la queue d'un cheval pour l'emporter hors de la forêt. On mit Boulka en croupe et l'on rentra ainsi à la maison. Boulka fut malade 6 semaines. Puis, il guérit. Les faisans. Au Caucase, les poules sauvages s'appellent des faisans. Il y en a tant qu'elles coûtent moins cher que les poules domestiques. On chasse les faisans au chevalet, à l'embuscade et au chien courant. Voici comment s'opère la chasse au chevalet. Tu prends de la toile à voile, tu la tends sur un châssis. Au milieu du châssis, une latte. Dans la toile à voile, un trou. C'est le chevalet, ce châssis tendu de toile à voile. Avec ce chevalet et un fusil, tu t'en vas dès l'aube en forêt. Portant devant toi le chevalet, tu observes les faisans par le trou de la toile. C'est l'heure où ils vont par la campagne, quêtant leur nourriture. Tu rencontres parfois une famille entière, la poule et ses poussins, parfois un coq avec sa poule ou plusieurs coqs ensemble. Les faisans ne voient pas l'homme. Ils n'ont pas peur de la toile à voile et ils laissent le chasseur arriver à portée. Celui-ci plante alors debout son chevalet, sort par le trou le canon de son fusil et tire au choix. Pour la chasse à l'embuscade, tu lances dans la forêt un petit chien de basse-cour et tu le suis de près. Lorsque le chien trouve un faisan, il court sur lui. Le faisan vole sur un arbre et le chien se met à japper. Le chasseur accourt et tire. Cette chasse serait facile si le faisan se posait sur un arbre isolé et à découvert. Mais il choisit toujours l'arbre le plus touffu, au plus épais du bois, et dès qu'il aperçoit le chasseur, il se dérobe dans les branches. Presque toujours, il est malaisé de pénétrer dans le fourré jusqu'à l'arbre où le coq reste branché, et malaisé de l'apercevoir. Quand le chien est tout seul à japper, le faisan n'a pas peur. Il se dresse sur sa branche, fait le beau et bat des ailes pour narguer le chien. Mais qu'un homme s'approche, aussitôt le gibier s'aplatit. Seul un chasseur expérimenté saura le distinguer. Le novice passera à côté sans rien voir. Lorsque les cosaques, d'un pas furtif, ont approché un faisan, ils s'enfoncent leur bonnet sur la figure et évitent de regarder en l'air. Car si cet oiseau a peur d'un homme armé d'un fusil, il a surtout peur de ses yeux. La chasse au chien courant se fait voici comment. On prend un chien courant et l'on s'engage dans la forêt. Le chien va flairant, reconnaît ainsi les endroits où les faisans ont passé à l'aube et mangé, et examine leurs traces. Quelque soin qu'ils aient mis à brouiller leur voie, un bon chien sait toujours reconnaître la dernière. Plus il marchera sur la piste, plus elle s'échauffera. Il arrivera ainsi à l'endroit où le faisan, dans la journée, s'est arrêté dans l'herbe ou la voie qu'il vient de prendre. Une fois à proximité, quand son odorat semble lui révéler que le gibier est devant lui, le chien ralentit de plus en plus son allure de peur de l'effaroucher, puis s'arrête pour bondir brusquement et le happer. Quand le chien va le saisir, le faisan prend l'essor et le chasseur tire. Je m'étais procuré, pour chasser le faisan, un chien courant. Il s'appelait Milton, grand, maigre, tacheté de gris, longues lèvres, longues oreilles, très fort et très intelligent. Milton et Boulka ne se mordaient pas. Jamais chien ne montra les dents à Boulka. Lui n'avait qu'à montrer les siennes et les chiens se sauvaient la queue entre les jambes. Un jour, je partis au faisan avec Milton. Tout à coup, Boulka me rejoignit dans la forêt. Je voulus le chasser, mais inutilement. Le ramener à la maison, c'était bien loin. Persuadé qu'il ne me gênerait pas, je me remis en marche. Mais à peine Milton eut-il senti dans les herbes et quêté un faisan, que Boulka se jeta en avant et se mit à fureter dans tous les sens, désireux de lever le gibier avant Milton. Ayant entendu quelque chose dans l'herbe, il bondit, se tortilla. Mais il n'avait pas le nez bon. Il n'eût su tout seul trouver la voie. Alors il regarda Milton et courut le rejoindre. Dès que Milton eut empaumé la voie, Boulka sauta en avant. J'eus beau le rappeler, le battre, je n'en pus rien obtenir. Aussitôt que Milton commençait sa quête, il se précipitait et l'empêchait. Je songeais déjà à revenir au logis, croyant ma chasse gâtée, lorsque Milton, plus avisé que moi, imagina un moyen de tromper Boulka. Voici comment il s'y prit. Dès que Boulka bondissait en avant, il abandonnait la piste, se tournait d'un autre côté et faisait semblant de quêter. Boulka se précipitait vers lui, mais Milton, me regardant et frétillant de la queue, reprenait aussitôt la vraie piste. De nouveau, Boulka revenait sur Milton et le dépassait, et de nouveau le chien courant, trompant son compagnon, faisait 10 pas à droite ou à gauche, puis revenait me mettre dans la voie. C'est ainsi que pendant toute la chasse, il donna le change à Boulka sans jamais lui permettre de gâter les choses. La tortue. Une fois j'étais allé à la chasse avec Milton. Arrivé près de la forêt, il se mit à quêter, la queue tendue, les oreilles retroussées, les narines frémissantes. J'armai mon fusil et je marchais derrière lui. Je croyais qu'il quêtait perdrix, faisan ou lièvre, mais au lieu de gagner la forêt, il s'en allait par les champs. Je le suivis, et comme je regardais en avant, j'aperçus aussitôt ce qu'il cherchait. Devant lui cheminait une petite tortue, de la grosseur d'un bonnet, la tête nue d'un gris foncé, emmanchée d'un long cou, s'effilait comme un pistil. Elle se mouvait en écartant largement des pattes nues comme la tête, et une carapace lui couvrait le dos. Quand elle aperçut le chien, elle rentra sa tête et ses pieds, et s'aplatit dans l'herbe de manière à ne présenter que sa carapace. Milton la saisit et se mit à mordre, mais ses dents ne purent l'entamer, car la carapace qui protège le dos de la tortue se continue sous le ventre, laissant seulement par devant, par derrière et sur les côtés des trous où passent les pattes, la tête et la queue. J'arrachai la tortue à Milton et j'examinai les dessins de son dos et sa carapace et sa manière de s'y cacher. Lorsque la tenant à deux mains, on regarde par les trous de la carapace, on voit dans l'intérieur, comme dans une cave, quelque chose de noir et de vivant. Je laissai tomber la tortue dans l'herbe, mais Milton ne voulut point l'abandonner. Il la prit dans sa gueule et la porta derrière moi. Tout à coup, il se mit à gémir et lâcha prise. La tortue, lui glissant une de ses pattes dans la bouche, venait de l'engriffer. Il était si furieux contre elle qu'il se mit à aboyer et à l'empoigner de nouveau pour l'emporter. Je lui ordonnai de la laisser, mais il refusa. Alors, je la lui ôtai de force et la jetai par terre, mais il ne pouvait se résigner. Il creusa près d'elle à la hâte un trou avec ses pattes. Quand le trou fut assez grand, il y poussa la tortue et la recouvrit de terre. Les tortues vivent sur la terre et dans l'eau comme les couleuvres et les grenouilles. Elles se reproduisent par des œufs qu'au printemps, par centaines, elles pondent sur le sol. Ces œufs, elles ne les couvent pas, mais de même, comme ceux des poissons, ils se cassent et les tortues sortent. Les plus petites n'ont pas la grosseur d'une soucoupe. Quant aux plus grandes, elles atteignent une longueur de 3 arshins avec un poids d'une 20aine de poudres. Les grandes tortues vivent dans la mer. La carapace de la tortue, ce sont ses côtes. Seulement, tandis que chez l'homme et d'autres animaux, les côtes sont séparées, celles de la tortue sont réunies en un seul bloc. Une autre différence essentielle, c'est que chez tous les animaux, les côtes se trouvent à l'intérieur, sous la chair. Chez la tortue, les côtes sont en dessus, recouvrant la chair. Boulka et le loup. Lorsque je quittai le Caucase, la guerre y sévissait encore, et il y avait danger à voyager la nuit sans escorte. Désireux de partir à la première heure du matin, je ne voulus pas me coucher. Un ami vint me tenir compagnie. Tous deux, nous passâmes la soirée et la nuit assis devant ma cabane dans la rue du Bourg Cosaque. Un brouillard voilait la lune, mais quoiqu'on ne la vît pas, il faisait si clair qu'on eût pu lire. Au milieu de la nuit, nous entendîmes soudain de l'autre côté de la rue, dans une cour, piauler un cochon de lait. Quelqu'un cria « C'est un loup qui étrangle un cochon de lait !» Je courus dans ma cabane, saisis mon fusil chargé et m'élançai dans la rue. On s'empressait à la porte cochère de la maison où piaulait le cochon de lait. « Par ici » me cria-t-on. Milton me suivit en bondissant. Il croyait sans doute que je partais pour la chasse avec mon fusil, et Boulka, dressant ses courtes oreilles, se démenait de côté et d'autre comme pour demander où planter ses crocs. En me hâtant vers la haie, j'aperçus de l'autre côté dans la cour la bête qui venait droit sur moi. C'était un loup. Il courut à la haie et prit son élan pour la franchir. Je me jetai de côté et armai mon fusil. Il n'en eut pas plutôt sauté vers moi que, le couchant en joue à bout portant, je pressai la détente. Mais le fusil fit « tchic » et le coup ne partit pas. Le loup, sans s'arrêter, traversa rapidement la rue. Milton et Boulka se lancèrent à sa poursuite. Milton l'eut bientôt rejoint, mais on voyait qu'il n'osait pas l'attaquer. Quant à Boulka, bien qu'il se hâtât sur ses jambes courtes, il ne put atteindre le loup. Nous nous mîmes à courir de toutes nos forces dans la direction de la bête, mais loup et chien eurent bientôt disparu à nos yeux. Seulement près du fossé, au coin du bourg Cosaque, nous entendîmes de rares aboiements, une plainte, et nous aperçûmes, à travers le brouillard lunaire, une poussière qui s'élevait, et les chiens qui bataillaient avec le loup. Lorsque nous fûmes au fossé, plus de loup, et les chiens s'en revenaient tous deux vers nous, la queue en l'air, la mine hargneuse. Boulka, en grondant, me poussa de la tête. On voyait qu'il eût voulu me raconter quelque chose, mais ne le pouvait. En examinant les chiens, nous reconnûmes que Boulka avait sur la tête une petite plaie. Il était clair qu'il avait assailli le loup près du fossé, mais qu'il n'avait pu le coiffer. Et la bête, montrant les dents, avait pris la fuite. La plaie n'était pas grande, nul danger à redouter. Nous retournâmes à la cabane, et notre causerie roula sur l'événement. J'étais furieux que mon fusil eût raté, et je ne cessais de me dire que, si mon coup était parti, le loup serait resté sur la place. Mon ami s'étonnait que l'animal eût pu pénétrer dans la cour. Un vieux cosaque affirmait qu'il n'y avait là rien de surprenant, que ce n'était pas un loup, mais une sorcière, laquelle avait jeté un sort sur mon fusil. Ainsi causions-nous, assis devant la cabane. Brusquement, les chiens sursautèrent. Devant nous, au milieu de la rue, apparaissait le même loup, mais cette fois, à nos cris, il détala si vite que les chiens ne purent l'atteindre. Cette seconde apparition raffermit le vieux cosaque dans son idée que ce loup était une sorcière. Moi, je me demandais si ce n'était pas un loup enragé, car je n'avais jamais vu ni ouï dire qu'un loup chassé d'un endroit y fût revenu. À tout hasard, je saupoudrai de poudre la plaie de Boulka et j'y mis le feu. La poudre s'enflammant brûla la partie malade. C'était pour brûler la salive enragée, au cas où elle n'eût pas encore pénétré dans le sang, que je portais la flamme dans la blessure, sachant bien qu'une fois mêlée au sang, la salive se répandrait avec lui par tout le corps et que s'en serait fait dès lors de Boulka. Du bourg cosaque, je ne retournai pas tout de suite en Russie. Je m'arrêtai à Petit-Gorsk et y passai 2 mois. J'avais fait cadeau de 1000 tons à un cosaque chasseur. Quant à Boulka, je l'emmenai avec moi à Petit-Gorsk. Petit-Gorsk est ainsi nommé parce qu'il se trouve sur le mont Bechtaou. Bech en tartare signifiant 5 et Taou montagne. De cette montagne sort une source thermale sulfureuse. Cette source a la température de l'eau bouillante. Au-dessus de l'endroit où elle s'épanche, la vapeur se dégage constamment, comme au-dessus d'un samovar. L'emplacement de la ville est des plus riants. Partout, des eaux thermales. Dans la vallée serpente une petite rivière, la Petkoumok. Sur les cimes, des forêts. Autour de la ville, des champs. Au loin, la vue s'étend sur les grandes montagnes caucasiques. Sur ces montagnes, jamais la neige ne fond, et elles sont toujours blanches comme du sucre. La plus grande, l'Elbrouz, pareille à un blanc pain de sucre, se voit de partout quand le temps est clair. On vient prendre les eaux à Petit-Gorsk. Au-dessus des sources thermales s'élèvent des pavillons, des kiosques, entourés de jardins et de sentiers. Le matin, la musique joue, on boit des verres d'eau, on se baigne, on se promène. La ville proprement dite est perchée à mi-côte. Au pied de la montagne, un grand faubourg d'une seule rue. C'était une maisonnette de ce faubourg que j'habitais. Bâtie dans la cour, ses fenêtres donnaient sur un petit jardin où le maître tenait ses abeilles, non dans des troncs d'arbres comme en Russie, mais dans des corbeilles rondes. Ses abeilles étaient si douces que tous les matins, avec Boulka, nous venions nous asseoir dans ce jardin parmi leurs ruches. Boulka marchait parmi les ruches, s'émerveillant des abeilles, les flairant, les écoutant bourdonner, mais il s'approchait d'elles avec tant de précaution qu'il ne les troublait point et qu'elles ne le piquaient pas. Un matin, que de retour des eaux, je prenais du café dans le jardin, Boulka se mit à se gratter les oreilles, en faisant du bruit avec son collier. Ce bruit inquiétait les abeilles. J'ôtai au chien son collier, un moment après, j'entendis venant de la ville une clameur étrange et effroyable, chien qui aboyait, gémissait, hurlait, gens qui criaient à tue-tête. Cette clameur descendait de la montagne et de plus en plus s'approchait de notre faubourg. Boulka, ayant cessé de se gratter, appuyait entre ses pattes sa large tête aux dents blanches et sortant parfois sa langue, demeurait tranquille auprès de moi. En entendant la clameur, il dressa les oreilles comme s'il eût compris ce que c'était, montra les dents, se leva et se mit à gronder. La clameur approchait, tous les chiens de la ville étaient là, aboyant, gémissant, hurlant. Je m'enfuis sur le seuil de la porte cochère pour regarder. La maîtresse de la maison vint m'y rejoindre. « Qu'est-ce donc ? » lui demandai-je. « Ce sont les forçats de la prison qui vont assommant les chiens, » me répondit-elle. Ils se sont multipliés à l'excès, et la municipalité a donné l'ordre d'assommer tous les chiens errants par la ville. Comment on me tuerait Boulka s'il leur tombait entre les mains? Non, on n'assomme pas les chiens qui ont un collier. Tandis que nous parlions, les forçats s'avançaient vers notre cour. En tête, des soldats, derrière, 4 forçats, enchaînés. 2 des forçats tenaient à la main de longs crocs de fer, les 2 autres des gourdins. Devant notre porte cochère, l'un d'eux, accrochant de son croc un petit chien de basse-cour, le tira au milieu de la rue et l'autre se mit à l'assommer à coups de gourdin. Le petit chien poussait des hurlements affreux, mais les forçats criaient quelque chose et éclataient de rire. L'homme au croc retourna le petit chien, puis, le voyant crever, retira son croc et promena ses regards autour de lui en quête d'un autre chien. Juste à ce moment, Boulka, d'un bond, comme autrefois l'ours, sauta sur le forçat. Je me ressouvins qu'il était sans collier et l'appelai bien vite « Boulka, ici !» Puis je criai au forçat de ne point toucher à mon chien. Mais en voyant Boulka, le forçat s'était mis à rire, et d'un coup bien dirigé de son arme, il l'avait accroché par la cuisse. Boulka se rejeta en arrière, mais le forçat tira à lui en criant à son camarade « Assomme !» L'autre leva son gourdin et Boulka allait être tué. Mais il se débattit, la peau de sa cuisse se déchira et la pauvre bête, la queue entre les jambes, une plaie rouge à la cuisse, courut se réfugier par le guichet dans la maison et se cacher sous mon lit. Ce qui l'avait sauvé, c'est que sa peau s'était entièrement déchirée à l'endroit même où le croc avait pénétré. La fin de Boulka et de Milton. Boulka et Milton moururent à la même époque. Le vieux Cosaque n'avait point su ménager Milton. Au lieu de se borner à chasser les oiseaux avec lui, il voulut le mener au sanglier. Ce même automne, un ragot le décousit. Personne ne sut le recoudre et Milton trépassa. Quant à Boulka, il ne vécut pas longtemps près de son aventure avec les forçats. Bientôt, il commença à s'ennuyer, à lécher tout ce qu'il rencontrait. Il me léchait les mains, mais non plus comme auparavant pour me caresser. Il léchait longtemps et fortement, en appuyant sa langue, cherchait à saisir avec les dents. On voyait qu'il avait besoin de mordre la main, mais qu'il ne voulait pas. Je cessai de lui abandonner ma main. Il se mit alors à lécher ma botte, le pied de la table, qu'il mordait ensuite. Cela dura ainsi 2 jours. Le troisième, il disparut, et nul ne le revit plus. Nul n'ouït plus parler de lui. Le voler, on ne l'eût pu. Me fuir, il ne l'eût pu. C'était 6 semaines après que le loup l'avait mordu. Le loup était donc enragé. Boulka, enragé à son tour, était parti. Il lui était venu ce que les chasseurs appellent la rage mue, laquelle se manifeste, dit-on, par des convulsions dans la gorge. Les animaux atteints veulent boire, mais ne le peuvent, l'eau provoquant des convulsions encore plus fortes. Alors le mal et la soif les mettent hors d'eux-mêmes et ils commencent à mordre. Évidemment, Boulka souffrait déjà de ses convulsions lorsqu'il se mit à lécher, puis à mordiller ma main et le pied de la table. Je courus tout le district en quête de Boulka, mais nul ne put m'apprendre où il s'était réfugié, ni comment il était mort. S'il avait vagué et mordu, comme font les chiens enragés, j'aurais entendu parler de lui. Le certain, c'est qu'il s'était sauvé dans quelque fourré perdu, et qu'il était mort, là, tout seul. Les chasseurs prétendent que, lorsque la rage mue frappe un chien intelligent, il s'enfuit au champ ou dans la forêt, et là cherche une herbe dont il a besoin, se roule dans la rosée et se traite lui-même. Il était hors de doute que Boulka n'avait pu se guérir. Jamais il ne revint, jamais nul le revit. Enregistré par Christiane Jehan pour audiocité.net.